EMPATH IKA représente le hip-hop déchu dans un mouvement qui devra sa renaissance à des déçus. Si je rappe, c'est pas pour donner mon cul. Je tape mes textes et je vais au bout de mes instrus. Beaucoup ont cru qu'il suffisait de faire du commercial sans savoir que de nombreux MC sont allés au ciel. Selon les croyances, selon ce que chacun pense, trop de gens ont oublié les valeurs de cette science. De toute façon, ça se fera dans la révolution. Empathique possède bel et bien une solution. Des têtes doivent tomber, il doit y avoir une scission. Je te parle du rap de base, celui né dans la rue sur un bon son. Certains construisent pendant d'autres mélanges R&B et rapé, on sera bientôt RIP. Classé, variété, sans fond ni forme, juste là pour la thune. Moi aussi des textes de merde, j't'en fais des tonnes. Le hip-hop renaisse, avec ou sans EK. Deuxième Okosa, 9-3 SKA. Le hip-hop renaisse, sans prétention, sans corruption ni suçage. Ouais gars, qu'est-ce qu'il y a? Le hip-hop renaisse, avec ou sans EK. Deuxième Okosa, 9-3 SKA. Le hip-hop renaisse, sans prétention, sans corruption ni suçage. Ouais gars, qu'est-ce qu'il y a? Le rap doit renaître, retrouver son essence qui est de transmettre un message avec aisance. Oublie les meufs et la maille, les belles œufs comme aimants, celles qu'on appelle des buts comme une aimant. Pas de concession dans le vocabulaire, place au vaut qu'on en patibulaire. Le rap s'enrichit à parler ses francs, verlan ou argot. Je te parle de vraies valeurs, celles du parler franc, non du magot. Le hip hop a une descendance, voilà les sondances. Que le rap retrouve la parole, elle break ses coupoles. Pas de propos stupides dans ce couplet. Fuck les mythos de crime au cutter, que les DJ soient prêts à nous réécouter. Check le graphe qui après chaque décès fait fleurir nos dessins sur les murs, rendant hommage au MC. Alors si les fils du 2H se tiennent bien, c'est pas prêt de s'éteindre, jamais c'est long. Le hip hop renaisse, avec ou sans EK. Deuxième Okosa, 9-3 SKA. Le hip hop renaisse, sans prétention, sans corruption ni suçage. Ouais gars, qu'est-ce qu'il y a? Le hip hop renaisse, avec ou sans EK. Deuxième Okosa, 9-3 SKA. Le hip hop renaisse, sans prétention, sans corruption ni suçage. Ouais gars, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour le rap de base, ouais. EK, empathique.